France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique au Mangin Palace, épisode 185. Bienvenue à toi. Dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 27 décembre 2009, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es l'homme araignée, tu es Kryptonite, tu es les 12 travaux d'Hercule, tu es Batmobile ou costume en latex, tu es comics américain et tu es aussi... Je crois que j'ai des super pouvoirs. Ton histoire est dure à avaler, hein. D'accord, je te propose un truc. Allez, balance toutes les beignes que tu veux, je parie les 100$ que j'ai en poche que t'en mets pas une. Raboule le fric. Oui, tu l'auras compris, l'ami, ce matin, tu es super-héros et tu affrontes les forces du mal. Alors, voici que se termine l'année 2009. Et après la crise économique, le réchauffement climatique et la grippe A, nous tenons à féliciter tous les survivants de véritables super-héros. Alors, pour fêter tous les surhommes et toutes les surfemmes, la panique au Mangin Palace a décidé de t'offrir ce matin une petite rediffusion consacrée aux super-héros, justement. Et pour commencer, du talon d'Achille aux intrépides des temps modernes, il faudra te retracer l'évolution de la figure héroïque à travers l'histoire. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de te décortiquer les grandes étapes qui constituent la vie d'un super-héros. On enchaînera d'ailleurs sur une petite merveille interprétée par les nuls qui viendront te révéler justement combien la vie quotidienne des super-héros peut être tout à fait ordinaire. Et puis, dans la foulée, nous traverserons l'Atlantique pour te rappeler cette mystérieuse histoire selon laquelle le pas du tout regretté Super W aurait eu, en réalité, une double identité. Et enfin, te raconter pourquoi Jean-Claude pense qu'il possède des super-pouvoirs, lui qui se prend donc désormais pour Superman, sous le regard exaspéré de Monique. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et fulgure au point. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. When I was a child, I was a Jedi. On s'électrocutait sous lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps et encore aujourd'hui et maintenant. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. Michael was a Jedi, c'est DJ Zebra qui, grâce à ses super pouvoirs, nous offre ici un mutant sonore où se mélangent les musiques de Michael Jackson et de Dionysos, un mix musical endiablé. Tous les 1000 ans, la veille du passage du millénaire, Satan revient sur Terre, prend apparence humaine et va à la recherche de la femme qui portera son enfant. L'acte devra se produire une heure avant minuit, le soir du réveillon de jour de l'an. Alors, le prince des ténèbres veut conquérir la Terre, mais il doit attendre une heure avant minuit, le soir du réveillon du jour de l'an, suivant l'heure de Greenwich. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser aux super-héros, ces êtres particuliers aux pouvoirs fascinants. Et pour commencer notre exploration, nous nous sommes tout d'abord demandé ce que pouvait bien être un authentique héros. Un héros, c'est bien sûr un personnage qui se distingue du commun des mortels, le plus souvent par ses pouvoirs extraordinaires. Ainsi, dans l'Antiquité, le héros se situe entre les dieux, desquels il est souvent familier, et les hommes, dont il se distingue par la force et le courage. Le héros, c'est celui qui accomplit des actes hors du commun, comme Hercule, par exemple, qui doit se farcir le récurage des écuries d'Augias. Ou c'est encore celui qui a une mission, comme Jason, à la quête de sa toison. Un idéal héroïque que l'on retrouve au Moyen-Âge. Nous sommes d'accord pour dire que depuis le début de cette quête, nous sommes à la recherche d'un vase ou d'une coupe, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, d'après mes derniers renseignements, il serait tout à fait possible que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Du coup, ce serait un genre de saladier. Oh non, mais c'est pas vrai. Écoutez, Bort, sans vouloir être blessant, est-ce que vous êtes sûr que ça change quelque chose ? Et il me semble que pour bien chercher, il faut savoir ce qu'on cherche. De toute façon, le Graal, que ce soit un vase, un saladier ou un service à dessert, on n'a aucune piste. Alors... Justement, je pense que ça pourrait être un début de piste. Un début de piste ? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui dit la même chose. Et ouais, c'est pour ça. Moi, j'ai arrêté le Graal. Comment j'ai arrêté le Graal ? Au bout d'un moment, c'est un truc à se casser les dents, ça. Non, moi, je m'occupe de mon cas. C'est déjà pas mal. Je m'occupais de votre cas, moi aussi. Moi, je m'occupe de mon cas. C'est un peu l'orientation que vont prendre les figures héroïques au cours des siècles. En effet, après la construction des identités nationales, dès la fin du XVIIIe siècle pour l'Europe de l'Ouest, sont fabriqués des héros nationaux, chaque peuple voulant le sien. Ainsi ressurgissent Vercingétorix, Guillaume Tell ou Robin des Bois. Car avoir son héros, c'est très utile pour la psychologie sociale, comme par exemple aux États-Unis en 1938. Écoutons cette analyse lors de la sortie en salle de Superman en 1979. Superman est né, et je dis en 1938, il était dessiné par Jerry Siegel et Joe Shuster. Or, il est caractéristique de voir que l'apparition et le triomphe de Superman correspondent à des moments où l'Amérique a tendance à se désengager de son rôle dans le monde pour essayer de se replier sur elle-même. Mais en même temps, elle rêve cette action sur le monde, et c'est le cas en 1938 où elle hésitait à l'intervention contre l'Allemagne. Il y a eu ces deux années d'hésitation. Or, Superman, à ce moment-là, montrait que l'Amérique, de toute façon, pouvait triompher. Or, si Superman fait un succès extraordinaire actuellement aux États-Unis, puisqu'il vient de faire 12 millions de dollars pour sa première semaine de projection, ce qui est le record maintenant absolu, eh bien nous avons la même tendance, l'intervention rêvée au lieu de l'intervention réelle. Avoir un héros dans sa mythologie nationale, c'est donc très pratique, comme un rêve qui détourne du réel. Mais parfois, la réalité conduit certains individus à devenir de véritables héros. Écoute ce document incroyable, datant de mars 1944, soit quelques jours après que Lucie et Raymond Aubrac aient réussi à rejoindre Londres. La presse mondiale a parlé de Lucie Aubrac, cette femme qui, dans des circonstances particulièrement romanesques, arracha son mari des griffes de la Gestapo et qui, pendant plusieurs semaines, vécut avec lui cachée dans le maquis. C'est elle qui va vous parler aujourd'hui de ceux de la résistance. Chacun a conscience, dans cette armée sans uniforme qui mène son combat sur le sol de son pays, d'être avec ses alliés un artisan de la victoire. Nous sommes en guerre, nous sommes soldats, avec un ravitaillement difficile en armes, en vivres, en équipement. Nous livrons une bataille sans jamais connaître la détente d'une permission ou le repos à l'arrière. Pas de repos pour les héros de la résistance, des braves qui sortent de la légende pour s'ancrer dans la réalité de l'action. Une action parfois discrète, loin de l'exubérance que l'on prête parfois aux héros. Le devoir de mémoire s'applique également à tous ceux qui, durant la guerre, ont lutté à leur façon contre la barbarie nazie. Aujourd'hui, une Vendéenne a reçu la médaille des Justes, une décoration de l'Institut Yad Vashem de Jérusalem qui récompense ceux qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont aidé des Juifs à échapper à l'occupant nazi. Marie-Élise Roger ne fut pas la seule dans son village de Chavagne-en-Paillé à cacher ainsi des enfants juifs, mais il a fallu attendre 50 ans pour que ces faits soient reconnus, Rodolphe Landais. À ce jour, 1800 justes ont été récompensés en France. Leur nom figure sur le mur de Yad Vashem à Jérusalem. Celui de Marie-Élise y sera bientôt gravé, mais l'intéressé prend tout cela avec beaucoup de modestie. Je ne méritais pas tout ça. Non, je trouve qu'ils en ont fait trop. Bon, ce n'est pas un geste héroïque que j'ai fait, non. C'était une chose banale. Les petits juifs, ils n'avaient plus de parents, ils n'avaient plus rien. Puis moi, j'avais de la place. Moi, j'avais de la place, tout simplement. Notons par ailleurs que selon le point de vue que l'on choisit, on peut ou non être considéré comme un héros. Par exemple, un militaire peut-il être un héros ? Dans son camp, sans doute, mais rarement chez l'adversaire. Quoique parfois, certains chantent leur épopée. Tu avais juste 18 ans, quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances, les gens bien et les terroristes, parachutistes. Eh oui, une analyse manichéenne du monde, très à la mode en ce moment, met en place des figures de super-héros et de super-méchants. Alors qu'on vient de te le dire, le vrai héros aujourd'hui, c'est celui qui s'inscrit dans la réalité et qui œuvre pour le bien de la communauté. Je ne sais pas, moi, Mère Teresa, par exemple, ou encore les sauveteurs en mer, ou pourquoi pas ton patron, tiens. Joyeux Noël à tous mes employés. Cette année a été catastrophique. Mais tout n'est pas perdu pour autant, puisque je suis en mesure de vous annoncer que le self va être entièrement redécoré. Ça va redonner un sérieux coup de fouet pour redynamiser les forces vives de la boîte. Alors on les emmerde, ceux qui disent qu'on est des has-been et des gros ringards. On y croit, on a du punch, on est des winners. On va tous les niquer, ces enfoirés. C'est eux les nuls. On va leur piquer leur marché, comme ça les clients, ils reviendront comme des mouches à merde. Excusez-moi, je suis crevé. Je suis crevé, évidemment, car une vie de super-héros, ça épuise. D'ailleurs, le héros, après ses exploits et ses longs voyages, il est heureux de retourner plein d'usage et raison vivre entre ses parents le reste de son âge. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, saison. Fumer la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je? je fumais la cheminée. Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages, plus meublé le séjour qu'ont bâti mes aïeux, que des palais romains, le front tout d'acier, plus que le marbre dur me plaît, l'ardoise fine, plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le Mont Palatin, et plus que l'air marin, la douce Angevine. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés, pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée? Et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Ulysse. C'est le valeureux aventurier grec que célèbre ici Ridan sur son nouvel album intitulé « L'ange de mon démon ». Ulysse, héros mythologique qui, paraît-il, aurait déclaré, une fois sa mission accomplie, « L'Iliade, fais tes valises, on rentre à Paris ». Alors maintenant, après avoir survolé l'évolution de la figure héroïque à travers l'histoire, il est temps désormais de nous intéresser durant quelques minutes aux grandes étapes qui constituent la vie d'un super-héros. Oui, mon ami, ces personnages extraordinaires ont-ils quelque chose d'exceptionnel ? Eh bien, la vie est injuste, mais c'est ainsi. Car, vois-tu, dès son plus jeune âge, le super-héros se voit offrir une destinée qui n'est pas du tout la tienne. Prenons le cas d'Hercule, par exemple. Peu de temps après sa naissance, il fut enlevé par Hermès, qui l'allongea sur le lit d'Héra, la femme et la sœur de Zeus, qui s'était alors endormie. Affamé, le jeune Hercule s'approcha de la déesse et se mit à téter son sein. Il téta si fort que le lait divin se répandit dans le ciel en une longue traînée blanchâtre devenue la Voie lactée. De cette nourriture céleste, Hercule devint immortel. Du coup, dès le départ, nous à côté, forcément, on se sent un peu minable. Cela dit, il ne faudrait pas oublier non plus que bien souvent, malheureusement, le super-héros est orphelin. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'en général, il grandit auprès de parents adoptifs très affectueux, mais qui ne comprennent pas toujours très bien cet enfant pas comme les autres. Surtout la mère d'ailleurs. Il me fait une dépression. Tout à coup, il veut plus rien faire. Pourquoi es-tu déprimé, Alvi? Dis-le au docteur Flicker. C'est venu après une lecture. Tu as fait une lecture, hein? L'univers, il est en expansion. L'univers est en expansion? Il faut voir que l'univers, c'est tout. Alors, s'il en est expansion, un beau jour, il va exploser. Et ça, y a pas, ça sera la fin de tout. Mais ça te regarde pas, tout ça. Il en arrive à plus faire ses devoirs. Bah, à quoi bon? Mais qu'est-ce que l'univers vient faire dans tes devoirs? T'es ici à Brooklyn. Brooklyn n'est pas en expansion. Et il ne sera pas en expansion pendant des milliards d'années. Alors, tu vois, ce qu'il faut, c'est en profiter tout son sou pendant qu'on est là. Hein? Hein? Tu parles, le super-héros, lui, il n'est pas là pour se marrer. Très jeune, il a déjà conscience de toutes les menaces qui pèsent sur l'humanité. Et puis, au fil du temps, il s'émancipe. En général, ses parents adoptifs finissent par être cruellement assassinés, ce qui le pousse à prendre pleinement conscience de la lutte féroce qui oppose le bien et le mal. L'étape suivante consiste bien sûr à se choisir un nom de super-héros. Seulement voilà, parfois, comment dire, il ne le choisit pas vraiment. Ne croyez pas que Superman c'est un mot américain. En vérité, ce mot-là qui vient tout droit de l'Alsacien. Mamma mia. Je le sais bien car en Alsace j'ai un cousin germain. Il s'appelle Hermann, c'est un garçon qui n'a jamais faim. Comme il voulait jamais manger, la maman devait toujours lui répéter. Ah, petit ragazzo, ascoltami. Mangia Superman, mangia Superman, mangia Superman, mangia Superman. Eh oui, il arrive que le super-héros apprécie le potache, aux légumes par exemple. Cela dit, très vite, il doit donc intervenir régulièrement pour sauver l'humanité. C'est son sacerdoce. Et c'est ainsi que le super-héros accomplit les missions fascinantes et pour le moins périlleuses. Un éléphant sauvé de la noyade par un homme. Ce n'est pas une plaisanterie, ça s'est passé en Italie, à Salerne. L'éléphant vedette d'un zoo a fait un faux pas sur les quais du port, il est tombé dans l'eau. Ça a fait un gros plouf, le cornac de la bête a aussitôt plongé et lui a maintenu la trompe hors de l'eau pour lui permettre de respirer en attendant les secours. En l'occurrence, une grue qui a hissé le pachyderme de 3 tonnes sur la terre ferme. L'éléphant a pris un rhume de trompe, mais il est sauvé. Moralité, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Mais bon, après avoir sauvé des pachydermes en perdition, après avoir empêché 3 guerres mondiales, après s'être amusé à fouetter Catwoman dans sa combinaison en latex, eh bien, le super-héros redevient monsieur tout le monde, car il finit par avoir des angoisses, figure-toi. Ce fut le cas, par exemple, de Monsieur Propre, le héros super-brillant. Vous voyez, ces temps-ci, je ne suis plus tout à fait moi-même parce que je viens d'avoir 40 ans. Il me semble que je traverse une crise. Enfin, je ne sais pas. Remarquez, je veux bien vieillir. Je ne suis pas de ceux qui s'accrochent. Non, non, je sais bien, ça commence à se dégarnir là-haut, mais franchement, ce serait me chercher la petite bête. Non, je crois que je vais embellir en avançant en âge. Je crois que je vais devenir le type même du mâle viril et chauve. Exactement l'antithèse du séducteur autant argenté classique. Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Eh oui. Après sa psychanalyse, Monsieur Propre, super-héros, a donc retrouvé une seconde jeunesse vers la quarantaine puisqu'il est bel et bien devenu le type même du mâle viril et chauve. Seulement voilà, contrairement aux idées reçues, même chez les super-héros, la vieillesse est un naufrage. Écoutons par exemple ce témoignage d'un proche de Monsieur Propre, justement. Ça n'était pas un mauvais bougre, hein. Toujours brillant, hein. Il était amusant. Il a eu une ascension fulgurante, la télévision ne jurait que par lui. Monsieur Propre, nouveau super brillant. Ah, son corps donnait envie, hein. Et il a rendu fou plus d'un marin. Hélas, les lampiades de la gloire ont ébloui le malheureux. Et très vite, ce fut la longue descente aux enfers. Les soirées fraîcheurs cascades, les bars à mousse, la course aux anabolisants pour rester le meilleur. Quel merveilleux souvenir. Allez, en vous remerciant, bonsoir. Triste destin parfois que celui des super-héros. Alors justement, toujours dans cette perspective de te démontrer qu'au final, la vie des super-héros peut parfois ressembler à la nôtre, eh bien, dans cette perspective, donc, le mieux, je crois, c'est de découvrir ce reportage d'investigation des nuls sur la vie quotidienne des super-héros. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Tu vas? Super. Et toi? Spider? Ça va, Miss Trampton? Comme on l'a dit, hein? Pas de quoi grimper au mur, c'est pas comme vous. Hey, Spider. Hey. Hey, super ta salle de bain. Hein? Hey. Hey, super. Ah, moi j'adore. Et puis ton savon, là, il sent vachement bon, mais il pique un peu les yeux, c'est à quoi? À la mygale. Ah ouais? Il sent vachement bon, hein? Dites donc, monsieur Superman. C'est pour moi que vous êtes fait aussi beau? Non, c'est parce que je viens de me battre contre l'huître géante qui venait du cosmos. Alors bonjour l'odeur, quoi. Bah dites donc, j'espère que toutes ces émotions, ça vous a pas coupé l'appétit, hein? Pensez-vous, je serais même capable de dévorer un livre. Et ça va être prêt. Qu'est-ce que vous nous avez mitonné? J'espère que c'est pas trop gras, parce que moi j'ai pris une tonne. C'est de la terrine de mouche. Vous savez ce qu'il raconte sur vous, Batman? Non. Il dit que vous survoliez New York, que vous avez vu Supergirl à poil en train de bronzer sur un toit, que vous avez sorti votre super dard, que vous avez plongé comme un seul homme et que vous avez enculé l'homme invisible. Il a dit ça? Ouais. Batman? Ouais. L'homme chauve-souris? Ouais. Putain, je vais en faire un parapluie de ce connard. Arrête, c'est une blague. Ah, c'est une blague? Ouais. Mais non, mais il me fait marrer, Batman. Avec ses ailes de chauve-souris à la con, il n'a même pas foutu de voler. C'est vrai. Ah, parce qu'attention, en super pouvoir, il a Nib. Il vole pas. Il a pas de rayons qui sortent des yeux. Nib. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fout chez les super-héros? Qu'est-ce qu'il fout? Le fric. Bruce Wayne, alias Batman, est milliardaire. Alors, vas-y que je me paye la Batmobile. 40 litres au 100. La Batcave, un bâton de mètre carré. Monsieur, il a un majordome qui lui sert le bat petit-déj au bat pieux tous les matins. Un parvenu. Un parvenu, exactement. Alors nous, on se fait chier, hein, à bouffer de la kryptonite, à se faire piquer par des araignées radioactives, on en chie, on donne de notre personne, tout ça pour que monsieur, il se pavane, il fasse le joli en Batmobile avec Robin. Viens, on va y crever les pneus. Hey Eugene, do you remember me? I'm that chick you danced with two times through the Rufus album Friday night at that party. On Avenue A, where your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk, and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Eugene. Write my number on a soggy paper towel, and the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, "Is it too soon if I call you Sunday?" Eugène, c'est ce que chante ce matin le groupe Pink Martini. D'ailleurs, si tu remarques bien, aucun super-héros ne s'appelle en réalité Eugène. Et c'est plutôt normal, parce que le super-héros se balade sans vergogne en costume moulant ridicule. Et c'est bien connu, là où il y a Eugène, il n'y a pas de plaisir. Parce que rien ne vous gêne, vous, dans ce week-end? Me gêner, moi? Attends. Bon, je vais vous répondre franchement, vieux, alors là, hein? Je m'en bats l'œil. Alors, pour poursuivre notre exploration de l'univers des super-héros, la panique au Mansion Palace a maintenant décidé, à 11h33, de partir à la rencontre d'un véritable Superman, le dernier surhomme capable de sauver l'univers. Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est Super W. Super W est originaire de la planète Petropognon, à des millions de kilomètres de la Terre. Encore bébé, il fut placé dans une capsule interstellaire qui qui s'écrasa dans un ranch au Texas, celui de la famille Bush. Ses parents adoptifs l'élevèrent comme leur propre fils, mais ils se rendirent rapidement compte que W était, comment dire, différent des autres enfants. Pourtant, le petit super-héros faisait tout son possible pour vivre la vie d'un humain ordinaire. Maman, maman, maman, il est où mon treillis? Il est au sale, mon petit. Oh non, c'est pas possible, je dois aller faire la guerre à l'Irak. T'inquiète pas, je vais arranger ça. Alors, qui c'est qui est tout beau pour aller faire la guerre en Irak? Excuse me, chérie. Il est où, mon treillis? Toi, tu vas encore aller faire la guerre en Irak! Et voilà, le petit W. Bush a été élevé dans le culte de son père, un autre héros dans son genre, capable de déployer des forces surhumaines pour protéger ses intérêts. Et c'est avec l'aide de ses super-pouvoirs, de ses super-lobbies et de son super-pétropognon que W. a réussi à se créer une double identité. Président des États-Unis pour le monde entier, mais en réalité, il est Super W. Ainsi, Super W masque son identité de super-héros derrière celle plus discrète de président des États-Unis. C'est grâce à cette double personnalité que Super W Bush peut s'attaquer à l'axe du mal. W, c'est le gendarme du monde, toujours là quand il le faut. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre mes mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain. Maintenant qu'il a le pouvoir, Super W peut mettre en place de quoi sauver l'humanité, enfin, surtout son pays. Il peut relancer le programme de défense stratégique, autrement dit le fameux bouclier spatial qui avait été initié au début des années 80 par Super Ronald. Désormais, Super W, avec son bouclier, c'est le prince de l'espace. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons. Ainsi, Super W, tel un chevalier solitaire, grâce à ses super pouvoirs, peut étendre sa salvatrice protection sur la planète entière où il est appelé à régner. L'araignée, l'araignée, oui, le plus fort, le justicier. Il se bat et il gagne, car le mal, son rival, toujours étouffe dans sa toile. C'est ainsi que Super W met en place un dense réseau étoilé constitué de bases de la CIA et du réseau d'interception de communication Echelon. Beaucoup de monde au service du sauvetage de la planète, car en plus, Super W n'est pas seul. Il est toujours entouré de ses conseillers. Vous avez pour mission de m'empêcher de nuire. Je ne vais pas vous laisser faire, vous pensez bien. Voici donc ma proposition. Je ne vous la referai pas. Collaborons. Croyez-vous que nous vous aiderons à déclencher une guerre qui embrasera le monde? Pour que vos armes vous rapportent beaucoup d'argent. Je ne conteste pas que la guerre rapporte des fortunes. Pensez aux richesses qu'une guerre mondiale produirait. Il n'a pas tort. Vous donnez toujours votre avis? Oui, dans le clan des Super Bush, on donne toujours son avis car pour la guerre, on en connaît un sacré rayon. Le père a eu la sienne, qui n'a pas donné grand résultat, sinon pour la population civile irakienne. Mais attention, Super W, lui, il refuse ses attaques contre son père, ce héros. Hey, choquez pas mon papa, soyez sympa, soyez sympa. Charriez pas mon papa. Hey, le regardez pas comme ça, parce qu'il a bu un coup de trop, parce qu'il sait plus trouver ses mots. En effet, il n'est pas question de charrier le clan du super-héros W. Et d'ailleurs, quel que soit le super-héros, il vaut mieux s'abstenir de le chambrer. Tiens, par exemple, Super Poutine. Eh bien, il n'a pas trop apprécié que les journalistes parlent de ses super-pouvoirs. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément? J'ai une excuse. Je ne croyais pas à votre existence. Je pensais tout de même avoir fait mes preuves. Dans un reportage de pure invention, tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Un fou sinistre, aigri et hargneux, triste. Moi qui suis d'un naturel si joyeux. Je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Des crimes contre l'humanité. Et alors? L'humanité. Quel merveilleux spectacle de marionnettes. Comment pourrais-je m'ennuyer? C'est certain que les super-héros ne s'ennuient pas avec tout le boulot qu'ils ont pour sauver notre planète. D'ailleurs, régulièrement, ils se rencontrent. Nous autres, simples mortels, on appelle ça des sommets. Mais en réalité, ce sont de réelles confrontations où les super-héros échangent et discutent de leurs super-pouvoirs. Ainsi, Super Poutine, par exemple, il a fait part de ses analyses à Super W. C'est un comics qui m'y a fait penser. Century Comics numéro 117. C'est là-dedans qu'on voit ce groupe, la coalition du mal, essayer de découvrir le point faible de chaque super-héros, car ils en ont tous un. Vous et moi, nous réagissons de la même façon au contact de l'eau. Si on en avale trop d'un coup, on suffoque. Bien que ça puisse paraître invraisemblable, vous et moi, nous sommes reliés. L'essentiel dans tout ça, c'est que maintenant nous savons une chose que nous ignorions. Vous avez un point faible. L'eau, c'est votre kryptonite à vous. L'eau serait donc le point faible de Super W. Et oui, les super-héros ne sont pas invincibles. Tous ont leur talon d'Achille. C'est pour ça qu'afin de poursuivre sa guerre contre les ténébreuses forces du mal, Super W, il a un message à délivrer à la jeunesse de son pays. Bats-toi, serre les poids et bats-toi contre ceux qui veulent t'empêcher d'être heureux. Bats-toi et tu seras libre. Mais quoi qu'il arrive, ne baisse pas les bras. Oh non, non. Non, ne baisse pas les bras, c'est le message de Superbouche pour poursuivre sa guerre. Car ce n'est pas toujours très comics, les histoires de super-héros. Avec ces super-pouvoirs-là, au lieu de vouloir sauver le monde, ce serait tellement mieux si W-Bouche se contentait de séduire les femmes. Ah, dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent. Beau, beau. Je marche de guingois, je suis toujours mal coiffé, je ne bois jamais d'eau. Quand leurs maris s'en vont, elles trouvent ça normal que je fasse pour eux le devoir conjugal. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Ah, dites-moi pourquoi, avec la gueule que j'ai, les femmes me trouvent beau. Même quand c'est pas par moi, tous les maris trompés me traitent de salaud. Je fais ce que je peux pour leur éviter ça. Si leur femme s'ennuie, c'est pas ma faute à moi. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour le Superman. Dites-moi, dites-moi pourquoi les femmes me trouvent beau. Oui, pourquoi je suis toujours moins coiffé, je ne bois jamais d'eau. J'ai beau crier partout, je ne suis pas une affaire. Il y en a toujours qui veulent me prouver le contraire. Dites pourquoi je pense auprès des femmes pour le Superman. J'espère qu'elle ne se fie pas à ces photos truquées qu'on voit dans les journaux. Une veuve de guerre en voyant mon profil a cru que Napoléon avait quitté son île. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour Superman. Dites pourquoi avec la gueule que j'ai les femmes me trouvent beau. Je marche de guingois, je suis toujours mal coiffé, je ne bois jamais d'eau. Et même une avec qui je m'étais montré piteux. Ma vie pleine d'espoir, y'a pas de fumée sans feu. Dites pourquoi je passe auprès des femmes pour un Superman. Superman, c'est ce que pensait être en 1971 Serge Lama, de son vrai nom Serge Chauvier. Une double identité, dis donc. Tout pareil que les super-héros. Alors maintenant, pour prolonger nos pérégrinations héroïques et dominicales, il est grand temps désormais de retrouver nos deux invulnérables, les héroïques et homériques Jean-Claude et Monique. Avant tout, il faut savoir que Monique et Jean-Claude se sont beaucoup intéressés à la campagne électorale durant ces derniers jours. Et hier soir, à la veille du scrutin donc, ils ont invité à dîner chez eux un couple d'amis, Achille et Pénélope, histoire de faire le point une dernière fois avant le premier tour de l'élection. La première partie de ce dîner fut consacrée bien sûr à épuiser une énième fois toutes les hypothèses électorales du genre « tu vas voir, je suis sûr qu'il va y avoir des surprises dimanche soir ». Bref, au final, les discussions se sont tranquillement engagées sur d'autres sujets. C'est ainsi que Monique et Pénélope, elles, se sont plutôt intéressées à leur môme et aux examens qui approchent. Tandis que Jean-Claude, lui, s'est lancé dans un drôle d'exposé. Tu sais sans doute que la bande dessinée est une de mes passions. Surtout les histoires de super-héros. Un truc de base, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie des autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Franchement, Monique est consternée. Voilà des mois que Jean-Claude ne parle plus que de ça, les super-héros. C'est ridicule. Mais bon, en plus, elle s'aperçoit très vite que Pénélope et Achille s'en tapent le coquillard des super-héros. De plus, Pénélope fait remarquer à Jean-Claude que devenir un héros aujourd'hui, pour elle, c'est réellement autre chose. Toi qui as du cœur, qu'est-ce que ça t'évoque, le don d'organes? Ah bah moi, personnellement, j'ai jamais laissé une disquette en rideau. Hein. Je suis toujours prêt à donner un orgasme. Hein. Oh, Jean-Claude, le don d'organes. Un organe vital. Un cœur, un rein, un foie. T'es con que tu me dises ça maintenant, parce que là, je viens de laver la Xantia, et puis sous le pare-buff, j'ai trouvé tout. Hein. Il y avait un bout de chien, deux chats, un hérisson. Enfin, question organes, il y avait ce qu'il fallait. Hein. Prochaine fois, je te mets ça de côté au frais dans une glacière. Hein? C'est ainsi que, vers 23h30, les invités Pénélope et Achille avancent le prétexte courtois d'une soudaine fatigue pour décider de rentrer chez eux. Une fois seul, Jean-Claude se resserre alors à un café cognac, tout en feuilletant un comics collector des aventures de Clark Kent, pendant que Monique, elle, file se coucher. Seulement voilà, une demi-heure plus tard, Jean-Claude vient lui aussi se mettre au lit. Mais il se sent bizarre et il interpelle Monique. Mais qu'est-ce que tu as mis dans le café pour qu'il me fasse tant d'effet? Je sens quelque chose d'étrangement boosté. Si c'est un poison, j'en mourrai. Mais je ne peux pas me rêver parce que la mort serait si douce à ton côté. Monique reste muette. Et Jean-Claude pense qu'elle s'est endormie. Mais, détail curieux, dans l'obscurité, Jean-Claude distingue que ce soir, Monique porte une chemise de nuit qu'il ne connaît pas. Et au moment de s'allonger près d'elle, il s'aperçoit que Monique a visiblement décidé de mettre à profit cette nouvelle passion du Jean-Claude pour les super-héros. Qui êtes-vous? Qui est l'homme derrière la bête? Vous pouvez peut-être m'aider à trouver la femme derrière le chat. Non, ça, ce n'est pas vous. Oh, ça, c'est vous. Après une grosse demi-heure de plaisir et de quelques figures acrobatiques, avec une Monique déguisée en Catwoman, donc, Jean-Claude ressent alors un sentiment de surpuissance. Une passion sexuelle retrouvée, certes, mais avec un truc en plus. Comme un super pouvoir. D'ailleurs, Monique, elle aussi, n'y est pas insensible. Mon Dieu, quelle histoire! Ah, j'ai enfin mon Superman. Il est tout, tout, tout pour moi. Il est tous les hommes. nu, allongé sur son super pieu, Super Jean-Claude savoure ce moment de plénitude. Il est totalement détendu. Et pendant qu'il caresse les cheveux de Monique, il ne peut s'empêcher de lui faire partager ses émotions. Oh my lady héroïne, oh ma beauté, ma divine, referme sur moi tes ailes, mon bel ange, ma toute belle. Oh my lady héroïne, ma liaison clandestine, en douceur mon sucre candide. Avec son authentique déguisement de Catwoman, Monique n'est pas peu fière d'avoir su réveiller de nouvelles pulsions chez Jean-Claude. Cela dit, il est vrai qu'au départ, Jean-Claude est bâti comme un super-héros aussi. Son anatomie est particulièrement avantageuse. Et oui, mesdames, c'est ça, Super Jean-Claude. D'ailleurs, en le taquinant, Monique lui fait remarquer au passage, avant de rejoindre la salle de bain, qu'après toutes ces années passées près de lui, elle demeure toujours très impressionnée par la bête. Je n'ai jamais eu peur de rien. J'ai déjà vu des monstres. Et pourtant moi j'en connais un. Oh, qu'il est vilain. Si pour longtemps l'on se souvient du frisson qu'il vous donne, le vertige à côté n'est rien. Oh, qu'il est vilain. Voici la ville. Assurément, Super Jean-Claude se sent ce soir super puissant. Cela dit, Monique fait tout de même savoir à son super-héros qu'elle a parfois quelques raisons d'être insatisfaite. Ça fait chier que ça dure si peu. Bonheur, c'est malheureux. Ça me tue, ça m'achève, mais j'en veux. Encore des malheureux. Éblouis. Comment ça que ça dure aussi peu? Mais ça va aller, oui. Monique sait-elle que la seule obsession du super-héros, celle du Jean-Claude, donc, c'est bien sûr qu'il faut toujours être à la hauteur de ce qu'on vous demande, ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur. Chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur. Non mais oh, si elle croit que c'est facile Monique, le statut de super-héros là, franchement, et puis quoi encore? Elle s'imagine sans doute que toutes les femmes ont la chance comme elle d'avoir un Superman dans leur lit tous les soirs, si elle savait. Et en plus, attends là, est-ce qu'elle sait, Monique, que c'est lui le plus fort, Jean-Claude? Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures. D'athlètes. Aux yeux d'acier, au sourire coquet en Harley Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. J'ai un piège à filles, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer les filles en tombent à mes genoux. Là-dessus, Monique lève les yeux au ciel, bien sûr, elle se glisse sous la couette et juste avant de s'endormir, elle fait surtout remarquer à son fantastique super-héros que... Tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à sourire à ce jeu. Je ne joue pas, je n'aime pas cet opéra de quatre soupirs. Cet air que tu as de sourire, je ne pourrais qu'en souffrir. La nuit fut courte pour Super Jean-Claude, car ce matin, à 8h pétante, Monique l'a flanqué au bas du lit Fissa. Puisqu'aujourd'hui, c'est le premier tour de l'élection et qu'il fallait être rentré à la maison avant 11h, bien sûr, pour écouter France Inter. Et puis, de toute façon, un super-héros, ça doit voter de bonne heure, hein? Bon. Voter, hein? Bon. Qu'est-ce que j'ai fait du papier qui me dit d'aller voter? Des bulletins que mon voisin m'a remis hier matin en me disant, lisez tout, faites votre choix et ne vous en moquez pas. voter, hein? Bon. Où est l'adresse du bureau? Où sont les clés de mon auto? Où est donc l'isoloir où je dois faire mon devoir? Oui, je sais, je perds tout, mais pas mes droits. Et ne vous moquez pas de moi. Votez, hein? Bon. Quel nom m'a dit mon mari, mon père, ma meilleure amie, ma belle-sœur de Hambourg et ma tante de Saint-Flour? Où sont donc les photos des candidats? Ah oui, ça y est, les voilà. Voter un bon, c'est le message civique que lançait en 1966 la pétillante Suzanne Gabriello, avec l'aide bien entendu de Nino Ferrer. Une chanson qui remporte tous nos suffrages, car totalement dépouillée d'arrière-pensée politique. Enfin bon... Alors nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans l'univers fantastique des super-héros. De Jason et sa toison à Jean-Claude et sa toison, de Super W à Monsieur Propre et de la table ronde à Mange ta soupe, Herman, nous venons de te dresser un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peut être la vie palpitante des surhommes. Mais alors, pourquoi a-t-on eu besoin d'inventer des super-héros? Eh bien, le héros n'est rien d'autre que notre double fantasmé, brave et intrépide, alors que, comme l'écrit Quentin Tarantino, Clark Kent, par exemple, était l'image que Superman avait de nous. Clark Kent, il était faible, il doutait de lui-même, c'était un lâche, et il était la critique que Superman faisait de toute l'humanité. En gros, d'un côté, il y avait le sublime Superman, l'incarnation de la force et du courage, et de l'autre, Clark Kent. Sale bonhomme, était le pire des hommes qu'on ait jamais vu. Il jurait, crachait et faisait de l'œil aux inconnus. Il rongeait ses ongles et mangeait sa soupe dans une passoire. On m'a même dit qu'il n'avait jamais mis les pieds dans une baignoire. Oui, sale bonhomme, oh, quelle sale personne, un monstre en somme, ce sale bonhomme. Sale bonhomme, l'anti-héros chanté par Claude François, notre super-héros. Voilà, fin du 185e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était une rediffusion intitulée « C'est qui les super-héros ?» revues et corrigées par la bande de furieux du Manchin Palace. On se retrouve le week-end prochain à 11h sur France Inter pour de nouvelles aventures total foutraque et archi-loufoque bien sûr. Panique au Manchin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux et que je remercie chaleureusement. Merci à toi, Monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin H2M, Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Ludovic Asselot. Merci à lui pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses. On dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci, Flora. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci enfin aux documentalistes de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Manchin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dès samedi prochain pour un best-of de la cellule de dégrisement, l'actualité culturelle à la sauce panique, mais aussi dimanche prochain à 11h sur France Inter pour une nouvelle rediffusion thématique du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.